En 2012, on a annoncé la fin du monde. Puis ben, il s'est rien passé. Ben, on pense qu'il s'est rien passé, mais on est peut-être tous morts dans le fond. Tous morts, puis on a été uploadés sur un serveur. C'est sûrement ça qui s'est passé. Ça n'a rien à voir avec la fin du monde. Les Mayas, ils n'ont jamais parlé de fin du monde. Ça, c'est une lecture d'une génération d'égoïstes qui pensent qu'on est tout le temps les seuls. La vérité, c'est que les Mayas, ils ont parlé de grands changements. C'est ça qui s'est passé le 21 décembre 2012. Tout le monde est allé se coucher. Puis, le 22 décembre, on s'est réveillé, puis ben, on était sur un serveur quelque part. On s'en est pas aperçu, hein? Personne qui s'est aperçu de ça. Mais c'est sûr que c'est ça qui s'est passé.